monde. J'ai la soif qui monte. J'ai la soif qui monte. J'ai la soif qui monte. Non. Non mais tu fais quoi?